nos équipes. Et s'il y a le best man schaffte, the main event, die meisten, die besten, les meilleurs équipes, the champions, die meisten, die besten. Les meilleures équipes, the champions. Bonsoir à tous, chers amis, auditeurs de Débattons d'Anguirou, nouvel épisode Foot Piquette, tome 2, on va l'appeler comme ça. Pourquoi ? Il est quand même bon de l'expliquer à nos auditeurs de Radio Galère. Hier, sur l'antenne 88.8, a eu lieu le tome 1 de Foot Piquette. Avec un invité incroyable, cher docteur, bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Mignot, votre double du futur. Qui était-il, Jean-Pierre ? Ah, Jean-Pierre, c'était un type formidable, facétieux, incroyable, un type qui crachait dans le crachoir. Alors ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il est quand même finalement très poli. Et puis, on croyait qu'on allait lui tenir le crachoir, et puis finalement, il a été formidable. Il nous a expliqué de belles manières tout ce que recelaient ces fameux cépages formidables qui nous donnent des vins d'attaque, des vins relayeurs, des vins formidables. Alors ça, c'était hier. Et puis ce soir, tome 2, on a un autre invité, je crois, Manuel. Un autre invité qui n'est autre que... Alors, Jean-Pierre Mignot, c'est la star mondiale du Pinard, hein, on peut bien le dire. Pour ce tome 2, on aura la star du Grand Ouest, ce qui est déjà pas mal. En la personne de Cyril Drouard, qui a fait du Pinard son métier. Il nous expliquera exactement dans quelle mesure tout à l'heure, parce que nous allons l'avoir par téléphone. C'est une émission qui sera très technique. Très technique, et d'ailleurs qui rajoutera une dose de technique en fin d'émission avec l'ami Coach Luc, qui est là aussi ce soir. Bonsoir, Coach. Bonsoir à tous. Coach Luc, pour ce Foot Piquette, vous avez décidé d'éponger un peu, puisque vous êtes en train de vous nourrir actuellement d'un des mémorables cakes au jambon qui font votre célébrité dans les studios de Radio Galère. Eh bien, en fait, oui. Comme j'ai prévu à la fin, donc avec vous, mes chers compères, de nous faire une petite chansongue. Alors, c'est pas une chanson, c'est une chansongue. Et donc, pour ce faire, je me nourris d'un aliment qui a un nom anglais. Voilà, le cake. À ne pas confondre avec le kéké, marseillais, qui se mord mais ne se mange pas. Hein, il faut le mordre, mais il ne faut pas avaler le kéké marseillais. Voilà. Eh bien, bonsoir, donc, Coach Luc. Alors, le dispositif ce soir, vous l'aurez compris, chers auditeurs, est réduit à peau de chagrin. Mais quel peau de chagrin, puisque avec vous, Coach, docteur et moi-même, nous allons... organiser ce tome 2 de Foot Piquette. Nous allons pleurer gaiement. Hier, pour ce tome premier, quasiment tout le dispositif était présent. On salue donc Magic, qui est à domicile. On salue également Dondé, bien sûr. Et puis on salue en dernier lieu l'ami Brett. Pourquoi saluons-nous particulièrement ce soir l'ami Brett ? Eh bien parce que la famille des Bâtons d'Anguirou s'agrandit avec la naissance du petit Marin. Donc, bienvenue, Marin. Bienvenue à Marin. Et félicitations à Brett et puis surtout à Elisa. Hein. Bon, alors, ça n'a pas été une partie de plaisir, apparemment. Mais bon, voilà, Elisa s'en est super bien sortie, Brett aussi. Et on est bien content que le petit Marin soit là et en pleine forme. Tout à fait. Alors, au sommaire de cette émission, énormément de choses. On va bien sûr définir ce qu'est la piquette footballistique et la piquette, on va le dire, pinardesque. Viticole. On va avoir notre invité, donc Cyril Drouard, dit Kirikoul Croquant. Il faut que je vous le dise. Peut-être que ça m'échappera au téléphone. Peut-être qu'on l'appellera Kirikou de temps à autre. On aura pas mal de musique. On aura un petit reportage d'Anne Clérandreau qu'on avait passé pour la toute première de Débattons d'Anguirou. Coach, vous n'étiez encore pas membre éminent du dispositif à cette époque, donc vous l'entendrez peut-être pour la première fois. Ouais, c'était la préhistoire de l'émission, c'est ça ? Tout à fait. Au temps des dinosaures. Exactement. Et en fin d'émission, juste avant que Coach Luc n'officie pour sa croquine, nous parlerons d'un spectacle. Enfin, nous parlerons plutôt David Chauvet d'Avignon et de Cavaillon nous parlera d'un spectacle qui s'appelle « Savoir enfin qui nous buvons ». Voilà pour le sommaire. Alors, chers amis, chers docteurs, chers coachs, j'ai envie de vous poser à vous en premier la question. En football, qu'est-ce qu'une piquette ? Est-ce que vous avez des souvenirs de mémorables piquettes prises sur des terrains de foot ? Comment expliquer à nos auditeurs ce terme « piquette » qui est à la fois utilisé en vin et en football ? Bah, moi, j'ai le souvenir de mon seul match officiel de football. C'était un tournoi de sixte à Ligugé. J'avais pris position dans les cages, comme on dit, c'est-à-dire que j'étais gardien de but, poste pour lequel on estime que j'ai éventuellement les capacités, bien que n'étant pas de taille très élevée. On confirme. Mais ce qui s'est passé était bien loin de ce que nous avions espéré donc, dans ce tournoi de sixte à Ligugé. Ligugé, qui est une petite bourgade du centre Vienne, en fait. Et donc, il nous est arrivé ce qui devait arriver, quoi. C'est-à-dire que des fouteux aux jambes énormes, au souffle en rafale, arrivaient comme des fous sur mon but et me fusillaient même de 20 ou 30 mètres. Mais de toute façon, le résultat était le même. Donc on a encaissé un tsunami, en fait. C'était terrible. Vous vous souvenez du score ? Je me souviens pas forcément du score, mais je me souviens que j'ai dû prendre la bagatelle de 5 buts, mais vraiment en 5 minutes. Et en fait, c'est des tournois de six, donc pareil, dispositif allégé, ça va très vite. Ça dure, à mon avis, pas plus de 10 minutes. Mais ça avait été un fiasco. Finalement, on avait réussi à me mettre en joueur de champ. Bon, ça avait pas été plus brillant. Donc voilà, pour moi, une piquette, c'est ça. C'est comprendre, en fait, la réalité de la vie. Ça arrive souvent. Et puis en foot, heureusement pour moi, ça m'arrive pas si souvent. Parce que j'ai le bonheur de jouer avec des gens qui me ressemblent peut-être un peu. Coach, un souvenir de piquette ? Oui. Enfin, j'ai eu l'occasion de pratiquer le foot dans un cadre universitaire à Dijon. Avec l'équipe de l'IUT Informatique. D'ailleurs, je salue tous mes anciens compagnons. Nous avons quand même pris quelques belles raclées, notamment quand nous jouions l'équipe du SUAPS, de la fac de sport, dont certains d'entre eux, à l'époque, jouaient à l'élite à Dijon, qui officiait en 3e division à l'époque. Donc ça nous a fait quand même assez drôle. Moi, ce que je retiendrai surtout, mis à part des scores quand même assez énormes, une fois on a pris 23 buts quand même. Ce qui est beaucoup. Ce qui était beaucoup dans un match. Et ce que je retiendrai, c'est qu'en fait, nous, on était quand même une équipe assez particulière, puisqu'on avait tendance à faire la troisième mi-temps avant le match. Voilà. Effectivement. Docteur, pour le tome premier de cette émission, vous nous aviez préparé une petite chronique. Est-ce que vous pourriez la refaire pour le tome 2, ou alors, du moins, en faire un résumé ? Eh bien, pourquoi pas ? Allez, on va se relancer. Moi, j'ai beaucoup de choses à me faire pardonner ce soir parce qu'il y a eu des manquements au niveau véhicule terribles. On a mis Coach Luc dans une difficulté folle. Et puis, mon cher Manuel est arrivé un petit peu en retard. Sans compter que je me suis un peu blessé cet après-midi au football. Ah. J'ai moi-même une cheville fragile maintenant. Et moi, c'est mon pouce gauche qui a été strappé ce jour même. D'accord. Donc, autant vous dire que ce soir, l'équipe du dispositif au complet a des difficultés puisque Coach se ressent toujours de son genou pour lequel on espère. On a des bonnes nouvelles d'ailleurs, Coach. Du genou Pas encore. Mais d'ailleurs, nous saluons tous nos amis handicapés aussi. Bah oui, évidemment. Docteur, bon. On vous écoute. Allez, foot piquette. La piquette constitue l'un des plus épineux terrains de notre glorieuse histoire nationale. Elle illustre à elle seule la porie d'une notion de bon goût que l'on retrouve pourtant toujours avec délectation en portant au ballon rond nos lèvres. Elle révèle aussi l'usage inconsidéré et dévoyé d'un produit confinant à la coca des travailleurs boliviens, au cat des yéménites, voire à la patate des koulaks. Aussi véritable ciment des liens entre aficionados et désastreux praticiens, la piquette est le salaire de la peur des footballeurs.

Du coup, pour cette soirée des bâtons d'Anguirou Foot Piquette, vous avez choisi de vous adjoindre deux associés. Non des moindres, je peux en témoigner parce que je les connais un petit peu. Vous nous les présentez en deux mots ? En fait, je peux utiliser des adjectifs comme coach également ou bien sûr. Vraiment réservé aux gens d'antenne ? Non. Pour nous, il n'y a qu'un coach, mais vous... allez-y. En fait, le staff technique, voilà, j'ai coach Karim. Oui. Coach Karim, ancien joueur de l'Élan de Gorge, l'Étoile de Clisson. Et à côté de moi, alors il est plus connu pour le ballon ovale, mais Coach Bastaro. Coach Bastaro qui a longtemps fait les pelouses de la Chapelle. Là. Parfait, donc une fière équipe pour nous présenter ce soir 3-20. Vous allez, comme Jean-Pierre Mignot hier, vous essayez à nous décrire un vin d'attaque, un vin relayeur ou relanceur et un vin de garde. Mais avant de nous parler de votre premier vin, on a décrit en ce début d'émission ce qu'était une piquette footballistique. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'est une belle piquette en vin, mon cher Cyril ? Une belle piquette se caractérise par un côté acide. C'est vraiment l'acidité qui va être le point commun de chaque piquette, peu importe la couleur, blanc, rosé, rouge, même une bonne piquette moelleux se caractérise toujours par une très belle acidité. Un côté ferme qui part du nez, l'attaque en bouche, toujours très très ferme, très acide, une très grosse salivation en bouche et très très vite l'envie de le recracher. Très bien. Je pense que vous... Alors, oui, docteur, une question ? Êtes-vous sûr, par exemple, d'avoir toujours envie de recracher cette piquette ? Ou y a-t-il des moments plus ou moins appropriés à la piquette ? Réellement, la piquette peut commencer à s'avaler et à s'apprécier vraiment peut-être en très fin de soirée, on va dire. Ou en buvette de stade, par exemple. J'avais la chance de pratiquer le football dans le vignoble et il faut quand même savoir que ce qui pouvait être pris de l'extérieur par les gens de la ville comme étant des piquettes au niveau des buvettes de stade était en réalité tout l'inverse, c'était plutôt les meilleurs vins de la commune qui étaient servis, notamment chaque commune défendant avec fierté le vin produit chez elle, quoi. Merci, mon cher Cyril, de rétablir cette vérité. Il n'est pas impossible que le petit surnom... Ah, Coach Luc a une question à vous poser. Oui, en fait, la piquette, finalement, n'est-elle pas un support à des métissages entre breuvages, puisqu'elle peut être utilisée, par exemple, pour être limée, c'est-à-dire pour ajout de limonade ou pour ajout de jus de fruits. Moi, j'ai des souvenirs de balles de rouge lime ou de blanc pomme. Est-ce que la piquette, n'est pas plutôt quelque chose bon à marier plus que bon à boire, disons-le. Alors, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les plus gros volumes de vin qui sont consommés dans l'Hexagone, c'est les vins, ce qu'on appelle les BABV, les boissons à base de vin, et qui sont ce que vous connaissez sous le nom de rosé pamplemousse, peut-être. Le terrible rosé pamplemousse. Voilà, qui est ni plus ni moins qu'un petit cousin du fameux rouge limé de l'époque. Très bien, voilà. Donc, pour ce faire, on prend les plus grosses piquettes de la communauté européenne, puisque là, il suffit d'avoir un degré alcoolique approchant les 10 degrés, et d'y adjoindre une forte quantité de sucre et de sirop de pamplemousse, qui masque bien l'acidité propre de la piquette. Et docteur, une nouvelle question. Oui, à ce propos, vous qui avez l'air de bien connaître la distribution de tous ces breuvages, avez-vous des nouvelles du Calimucho ? Est-ce que le Calimucho, par exemple, a fait son entrée le Calimucho, pour nos auditeurs qui ne savent pas peut-être... On appelle le kir américain aussi. Hein. Oui, qu'un certain, qu'un certain Michel Sardou appelle le kir américain, effectivement, est une adjonction donc de vin rouge et de Coca-Cola. Et voilà, hélas, je crois qu'il n'est pas disponible en grande surface, à moins que notre ami Cyril nous détrompe. Cyril. Non. Je pense qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes en fait de stabilité au niveau de ce produit. Enfin, je pense qu'il y a de réels débouchés quant à la qualité de cette piquette obtenue. Par contre, effectivement, je pense qu'il n'arrive pas à maîtriser le produit. Ça doit être trop gazeux, je pense, trop de mousse. D'accord. Ce qu'on appelle également le pétrole, je crois, dans notre région. Alors, une dernière question. Un mazout. Une dernière question du coach et puis après on passera à votre premier vin. Voilà, moi je rebondis hein, sur le vin qui aura le goût de Coca-Cola. En fait, moi j'avais lu une conférence d'un œnologue qui s'appelle Roland, donc j'ai oublié le nom, donc une conférence qui s'appelait Michel, Le vin du futur. Michel Sardou, Michel Roland. Donc le vin du futur aura le goût de Coca-Cola et lui, son explication était finalement d'ordre de merchandising. Où il expliquait que finalement, on en vient à produire des vins qui s'appliqueront et rappelleront aux jeunes qui ont été finalement élevés au soda, finalement de retrouver leur soda favori dans le vin. Et que c'est une manière finalement de les amener à la consommation de vin. Mondovino, le titre. C'est dans le documentaire Mondovino qu'on peut lire cette intervention donc de Michel Roland. Alors, voilà. Mon cher Kirikou, puisque c'est aussi votre nom, vous appelez pas que Cyril, on vous appelle aussi Kirikou dans le vignoble. Parlez-nous de votre premier vin, qui est donc un vin d'attaque. Et je crois savoir que vous êtes associé donc à votre staff technique pour non pas seulement le goûter, mais aussi le boire. Alors, le premier vin, le vin d'attaque. Alors, bon, on va le déguster ensemble. Voilà, à la vôtre les gars. À la vôtre. Voilà, alors c'est un peu particulier, alors c'est un vrai vin d'attaque, puisqu'en réalité on goûte un vin du futur. Ah. C'est vrai qu'on on a l'exclusivité de la dégustation, ouais, grâce à Cyril. Bravo. Donc en réalité on est en train de déguster un produit que le commun des mortels pourra déguster uniquement jeudi prochain. Puisqu'en fait, nous goûtons un muscadet de 2015, en primeur. Ah oui. Voilà. Alors, une super attaque. Ben ça, c'est une belle attaque, effectivement. Ah bah, super attaque, oui. Et ça attaque plutôt côté droit ou plutôt côté gauche? Coach Karim? Plutôt côté gauche. Hein. côté droit? Ouais, je dirais que ça déborde des deux côtés, ouais. Ouais, en fait, il y a une belle acidité hein, sur ce vin d'attaque, sur ce muscadet primeur 2015. Effectivement, en fait, on a vraiment les papilles de chaque côté de la langue qui viennent saliver, montrer la fraîcheur, l'acidité, la tonicité de ce vin d'attaque. Alors, en termes de terroir, plus à gauche qu'à droite, dit Coach Karim, en termes de terroir, qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin d'attaque? Alors, ce vin d'attaque, il est produit au confluent de la Sèvre et de la Maine, pour les connaisseurs. Alors, le muscadet dit muscadet de Sèvre et Maine, porte le nom de ces deux rivières, en fait, des deux rivières qui sillonnent le vignoble. Et qui l'entoure au final. Donc là, on se trouve sur un muscadet primeur du domaine du château du coin, qui se trouve être le château au confluent de ces deux rivières. Voilà. Donc on est sur des coteaux très pentus. C'est des vignes qui ont été plantées au cadastre napoléonien. Voilà, donc des vignes centenaires. Des très vieilles vignes sur lesquelles on va faire un vin très technique, très technologique, puisque en fait c'est presque une prouesse de goûter un vin du millésime 2015 aujourd'hui. Bah oui, une très courte vinification donc. Très courte et vraiment très technique. Mais du coup, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu hors-jeu là, ce vin d'attaque? Est-ce qu'il ne serait pas, pardon? Un petit peu hors-jeu. Hors-jeu, oui. Hors-jeu. C'est vrai, bah oui, il n'est pas encore. Oui. Aujourd'hui, il est pas. Aujourd'hui, hors jeu, oui. Aujourd'hui, hors jeu. Est-ce qu'on peut citer le domaine ou c'est une information secrète? Non, bien sûr, on peut le citer. C'est le domaine du Château du Coin. Le château du Coin, ouais, à Saint-Fiacre-sur-Maine, une très jolie commune du Muscadet. Qui a connu aussi de belles piquettes. Et qui a connu de belles piquettes. Donc vous conseillez d'ores et déjà, mon cher Cyril, avec votre staff, vous conseillez ce vin d'attaque. Donc. Ah oui, ce vin d'attaque est magnifique, vin d'attaque. Mmh. Bon. Magnifique vin d'attaque. Ben, on vous remercie. Ah oui, Karim, un petit mot? Le troisième verre était bon. T'aurais pu nous conseiller avec quoi on peut servir ce vin? À l'apéritif, simplement. Oui, ouais. Simplement. Pour l'apéritif. Le matin? Le matin. Ou le soir. On fait là le matin. Parce que il faut quand même vous dire que là, on est en plein milieu des vignes. D'accord. Vous êtes à quel endroit? Dites-nous tout. Alors là, on est sur la commune de Saint-Crépin. Oui. Saint-Crépin-sur-Moine, pour le coup. Saint-Crépin qui a la particularité d'être la seule commune du Maine-et-Loire à être dans l'appellation d'origine contrôlée Muscadet. Voilà. Très bien. Et donc nous sommes en plein milieu des vignes, tout charretant, pour éviter les problèmes. Bon, bah c'est parfait, mon cher Cyril. On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission pour la suite de votre programme qui s'annonce chargé. Et chargeant. À tout à l'heure, chers amis. Alors, coach, docteur, on va passer un petit peu de musique. Avant, vous aviez envie de réagir un petit peu à ce qui vient d'être dit? Non, moi, ça me semblait assez important d'évoquer ces sorties de primeurs. Savez-vous si c'est la même date que celle du très fameux Beaujolais nouveau? Je crois que le Beaujolais, c'est pas... c'est imminent, mais alors je ne sais pas, je ne connais pas la date exacte. Ils nous ont parlé d'un jeudi, il me semble que le Beaujolais sort le jeudi. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit la même date, hein. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que sur les procédés de vinification, moi j'aurais eu envie de leur demander un peu plus, savoir comment on arrivait à obtenir finalement du vin en si peu de temps, puisque je ne savais pas que la fermentation pouvait se faire aussi rapidement. Voilà. C'est très technique. C'est très technique. Nous a-t-on répondu. Voilà, ça doit me dépasser certainement, mais voilà, on n'hésitera pas éventuellement à reposer la question. Je vous propose, si vous êtes d'accord, d'écouter nos amis de Hawks. Ah oui. Ça vous plaît? Ah oui. Alors, pour les signaler en tournée dans toute la France actuellement, formidable groupe, puisque deux de ses membres, David Merlot et Damien Ravnich, on citera le troisième qui est donc Virgile Abella, David Merlot et Damien Ravnich font partie d'Alain et Gilo Pétré, le groupe officiel de Débattons d'Anguirou. Voilà. Et on peut signaler qu'ils sont en tournée, donc ils seront bientôt à Saint-Ouen, notamment pour nos amis du nord de la capitale. Ils seront aussi, bien sûr, je crois, à Lille. Je crois qu'ils sont aussi, ils vont être à Grenoble, à Tours, et puis ils vont finir leur présentation par Marseille. Et ça, ce sera, je crois... Le 20 novembre. En tout cas, toutes les dates de ces concerts sont à retrouver sur le site hawks.com, H-O-A-X, deux fois. Et cette tournée est bien sûr organisée à l'occasion de la sortie de leur album, dont on écoute tout de suite un petit extrait. We'll be right back. étions donc Aux. Et c'était chouette, je trouve. Hein. On les remercie de nous avoir permis d'écouter ce petit morceau. On va parler maintenant d'un vieux reportage documentaire sonore de Débattons d'Anguirou, enregistré et monté par une de nos reporters, Anne-Claire Andreau, qui aurait pu être notre invitée ce soir parce qu'elle s'y connaît plutôt pas mal en pinard. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est un petit reportage qu'elle a réalisé lors d'un match de foot du dimanche dans le Saumurois. Et pourquoi on décide de vous le passer, chers auditeurs, de vous le repasser plutôt, puisqu'il avait été diffusé lors de la première de Débattons d'Anguirou en 2012, je crois, déjà. Pourquoi ? Puisque la deuxième partie du reportage se passe à la buvette du stade et ça nous donnera l'occasion de, bah voilà, tout simplement l'occasion de discuter aussi de ce haut lieu de l'alcoolisme dans le football. Chercher Baptiste. Ouais. Elle va revenir maintenant, voilà, t'aurais été là, il pouvait, c'est bon. Parlez-vous. Ah, il a touché. Il a tombé sur le dos. Frappe. L'équipe adverse qui sont là-bas et qui sont pour Jeune, ils sont là. Il y en a plus pour Jeune que pour notre équipe. Non, tu mets 5 verres. T'es obligé d'en remettre, hein. Deux rouges. T'étais que t'es dans le rouge, toi? Dans le rouge? T'es dans le rouge? Ah! Quelle différence c'est entre le rosé et le rouge pour l'estomac? Oh, bah le rouge, c'est un fricot, c'est pas rigolo! Et voilà, allez les petits bleus, un petit reportage d'Anne-Claire Andreau pour Débattons d'Anguirou. Vos impressions, docteur, à la réécoute de ce petit reportage, et vous, mon cher coach, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que ça vous évoque, ces buvettes de stade, ces ambiances surchauffées du dimanche après-midi ? Ben, en tant que coach, en fait, la buvette est un endroit extrêmement important et primordial, car c'est là que de nombreuses stratégies, finalement, s'élaborent, que des secrets se dévoilent, et peut-être même c'est là que des victoires se jouent, finalement. Oui, il est sûr que c'est un endroit extrêmement central dans le dispositif du stade. Hein. Quand on pense à la mi-temps, par exemple, où les joueurs rentrent au vestiaire, les supporters, eux, partent en goguette à la buvette, quoi. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on a quand même aussi un match qui se joue, quoi. C'est-à-dire que les supporters des deux clubs vont un petit peu en découdre d'une manière ou d'une autre. Alors c'est sûr que quand on est dans le football local, ça peut en découdre d'ailleurs même très très sérieusement. Hein. J'ai vu quelques matchs, encore une fois pour parler de mon expérience dans le Grand Ouest, dans le Poitou, cette fois-ci dans le club de Saint-Benoît, hein, qui lui aussi se situe dans le centre sud de Vienne. J'ai vu des choses terribles. On voit, comme dans le reportage d'Anne Claire, que finalement, à la buvette, au moins, ce qui est sympa, c'est que tout le monde a le droit de parler, quoi. Et ça fait plaisir. Il n'y a pas que le coach qui parle. Non, mais la buvette, c'est même finalement un lieu de rassemblement, une espèce de zone mixte où se retrouvent les supporters des deux équipes, puisque c'est là aussi qu'ils peuvent partager leurs désaccords aussi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, coach, qu'il faut des lieux pour ce genre d'échange, hein, et la buvette est ce lieu consacré, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans un stade de foot. Alors, c'est sûr qu'après, j'ai ouï dire que l'alcool, tout de même, était de plus en plus prohibé dans ces lieux, notamment dans ces buvettes. Dans la plupart des stades, il y a certains stades en fait ont droit à des buvettes et d'autres n'y ont pas le droit. Je ne sais pas si vous connaissez mieux que moi cette législation, vous coach, vu que vous avez davantage l'habitude que moi de pratiquer les terrains, étant donné votre profession. Mais il serait bien effectivement de savoir un petit peu ce qui se passe là-dessus, puisque moi je pense que d'un côté l'alcool effectivement est un phénomène qui permet de s'émanciper, parfois de franchir certaines frontières, notamment celle du chauvinisme, du supportariat. Hélas, il arrive dans nos régions, dans nos clubs locaux, que parfois des situations s'enveniment dans ces buvettes. Mais bon, ça c'est tout à fait propre à mes considérations. Est-ce qu'on re-questionne notre invité, Cyril, dit Kirikou, quant au vin relayeur, est-ce que ça vous dit, les petits amis ? Bien sûr, Manuel, mais vous, Manuel. Oui. Les yeux dans les yeux, comme on dit, après ce reportage chez les petits bleus. Les buvettes. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire des moments de partage d'après-match, à vrai dire. Ça m'inspire aussi la découverte de l'alcool et de l'alcoolisme peut-être un peu trop jeune. Voilà, ça, et le fait d'être un peu encouragé quand on est un jeune joueur de foot de 17 ans ou un peu plus jeune encore, encouragé dans le vignoble d'où je viens à peut-être boire un petit muscadet plutôt qu'autre chose pour partager cette troisième mi-temps. Voilà, ça m'évoque tout un tas de discussions plus ou moins intéressantes et plus ou moins, lamentables. Voilà, mais en même temps, un philosophe y retrouverait matière à conceptualiser, hein, une dialectique entre le terroir et le terrain. Tout à fait, mon cher Coteluc. Ça, je me permets aussi de me dire que ça me rappelle Norbert, qui tenait la buvette d'Aigrefeuille-sur-Maine pendant de longues années. Norbert, qui a pris sa retraite de la buvette, qui est toujours dans le club, mais qui a décidé un jour de refiler les clés du camion, hein, comme on dit, alors qu'il en avait un peu fait son domaine, son bistrot. Tant qu'on en est aux évocations, j'ai envie moi aussi de saluer Antoine Mingot, un homme du football club de Smarve, un club lui aussi situé dans le centre sud de Vienne, et qui avait comme maxime dimanche c'est foot, lundi c'est dimanche. Et lui aussi tenait la buvette et ne pouvait pas aller travailler le lundi. Alors, mon cher Cyril, est-ce que vous, vous m'entendez? Je vois que ça ricane bien dans la bagnole, là. On était sur des anecdotes footballistiques également. Avec votre staff. Et avec le staff. Nous, ouais, nous c'était pas Norbert, mais c'était Gérard. C'était Gérard à la Chapelle Olin. Ouais. Bon. Oui, mais l'expérience, c'est très important dans le jeu. Tous les coachs le diront. Tous les coachs le diront et c'est pas Coach Luc qui dérogera à la règle du coach. Alors, chers amis, du côté de Saint-Crépin, vous avez maintenant ouvert un vin relayeur ou relanceur. Dites-nous tout. Alors, sachant pas trop quel vin présenter comme étant un vin relayeur, est-ce que vous entendiez par être un milieu de terrain, quoi. Alors, ouais, milieu de terrain. Ouais, ouais, j'ai choisi un vin en fait de milieu de repas, on va dire, un vin, une bouteille qui en appellerait une deuxième, qui irait chercher la première. Et qui nous emmènerait sur la deuxième. En fait, c'est ça que j'entendais par un vin relayeur. C'est plutôt une bonne définition. Vin de copain, vin d'équipe. Et vous avez choisi quel vin alors? Alors j'ai choisi pour se faire un vin qui se rapproche de chez vous pour le coup. On a quitté les terres du vignoble nantais pour descendre en fait en proximité d'Avignon. D'accord. Le Vaucluse, donc. Avignon, Orange, puisqu'on descend dans les Côtes-du-Rhône méridionales, sur l'une des dernières appellations en Côtes-du-Rhône village, qui est l'appellation Plan de Dieu. Plan de Dieu. Plan de Dieu, hein, c'est bien ça? Plan de Dieu. Plan de Dieu, voilà, c'est ça. Très bien. Plan de Dieu, sur un millésime 2014, qui est un vin... qui est un vin de plaisir, qui est un vin de soif, voilà, une bouteille qui en appelle tout de suite une deuxième en fait. Une troisième en l'occasion. En fait, on a choisi un rouge rubis. On vous entend pas très bien. Est-ce que vous parlez dans l'appareil ou est-ce que vous êtes un peu éloigné? Alors, en fait, nous sommes toujours en plein cœur du vignoble. Oui. Alors peut-être que les batteries sont un peu à plat. Je rechargerai peut-être tout à l'heure en démarrant. D'accord. Alors, vous êtes dans le vignoble des Côtes-du-Rhône? Vous êtes déjà en Côte-du-Rhône? Oui, on est descendu. Est-ce que vous avez fini la première bouteille avant d'en ouvrir une seconde? Alors, en fait, pour être vraiment sûr, on a fini la première et sa pizzer. Oui. Et on attaque la première bouteille. Enfin, pour le coup, il en reste un petit. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu en bouche ce que vaut ce plan de Dieu? Alors en fait, si j'avais à le caractériser et à mettre en face une personne, je dirais que ce plan de Dieu, c'est Stephen Guéry. Alors bon, nos auditeurs ne connaissent pas tous Stephen Guéry. Stephen Guéry était un illustre... Liverpool. C'est un peu ça. C'est un peu le joueur de l'AS Men, un fameux club du vignoble, qui aurait pu s'illustrer à Liverpool. C'est vrai. Une très lourde frappe de balle et un sens par contre assez approximatif de la tactique, mais un vaillant guerrier quand il s'agissait d'aller museler l'équipe de Monnières, notamment. Mais c'est étonnant, cette similarité. Entre Steven Gerrard et Stephen Guéry. Bien sûr. Mais oui, tout à fait. Et c'était le cas sur le terrain? Pas complètement, non. Pas complètement le cas. C'était quand même un joueur assommant. Tout à fait. C'est exactement ça, un joueur assommant. Alors, donc c'est Stephen Guéry, ce vin relayeur. Expliquez-nous un peu ça. En fait, c'est Stephen Guéry de par sa puissance. Mmh. C'est quand même un vin, encore une fois, puissant, costaud, chaleureux, un vin de bonhomme, hein, puisque ça fait 14 degrés, on sent qu'il y a une belle stature tannique. Un vin plutôt bien charpenté. Hein. Très bien. Est-ce que votre staff a un petit avis en termes de bien-être par rapport à ce vin? Ah oui, au niveau bien-être, c'est bien. On va dire que c'est fruité, ça attaque. Enfin, moi, étant plus du milieu du rugby, comme mes copains m'appellent Bastaro, on va dire, ça serait plus Jonah Lomu, si tu te prenais Jonah Lomu en pleine face. Ah, d'accord, donc c'est un 20 relayeur, mais plutôt offensif quand même. Voilà, oui. Très bien. Ouais, toujours dans la relance. Oui. Bah, vous m'avez semblé être complet sur ce 20, oui. À moins que le troisième larron veuille s'exprimer sur ce second 20. Pas spécialement. Non, il goûte ça tranquillement. Il est peut-être à la place arrière, lui, du camion, hein, c'est ça, non ? La place arrière du camion, on a mis les enceintes, pas la crème du filet. Mais... il était parti tirer un pénalty, à vrai dire. Ah, d'accord, oui. Très bien. Alors, mes chers amis, coach, est-ce que vous avez des questions à poser à Kirikou sur ce? En tout cas, je pense qu'il faut leur laisser finir ce vin relayeur ainsi que sa petite sœur, en attendant le vin de garde qui va arriver bientôt. Donc là, je pense qu'on va les laisser bosser, faire leur boulot, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des sacrés bûcheurs. Ouais. On sent qu'ils ont quand même bien bossé. Bossé en amont, et ça fait quand même plaisir. Une descente dans les côtes du Rhône aussi rapide, moi j'ai rarement vu ça depuis l'ami, comment s'appelle-t-il, Jacques Mélic. Ouais. Non, quand on aime, on croit qu'on est. Oh, le pleutre, il a fini la bouteille. Ah. Donc non, mais c'est assez plaisant, effectivement. Moi, le Steven Gerrard, par exemple, c'est vrai que en tant que... Enfin, ou Steven Guéry, puisque j'ai l'impression qu'on parle du même homme, au final. Hein. Quasiment. Voilà. C'était la même coupe de cheveux, je crois. Même coupe de cheveux, et puis voilà, après, je pense que Steven Guéry, si ça se trouve, sous un autre nom, est allé faire les beaux jours d'un autre club, peut-être hors du vignoble nantais, c'est possible. Hein. Peut-être vers chez les chamois niortais. Je ne sais pas. C'est vrai que quand on parle de Sèvres, n'oublions pas que la Sèvres dont on parlait n'est que la Sèvres nantaise et qu'il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres, notamment dans le Niortais. Alors, mon cher Cyril, on se retrouve tout à l'heure. Nous, on va continuer tranquillement cette émission. On vous laisse préparer votre vin de garde. Et en attendant, en studio, on va se passer un petit morceau de musique. Qu'est-ce que vous auriez envie d'écouter, vous, coach, docteur ? Moi, pour filer la métaphore une nouvelle fois, il est vrai que ça ne me dérangerait pas soit d'écouter les amis, l'ami Alain Pétré, soit d'écouter, pourquoi pas, quelqu'un qui nous a ravis, un chansonnier, et pas seulement un chansonnier, aussi avant tout un écrivain qui nous a régalé par sa formidable... Gouaille révolutionnaire, quoi, du début du XXe siècle, hein, quelqu'un qui qu'on porte tous dans notre cœur, notamment quand on va manger à l'eau. Non, comment ça s'appelle? Quand on va manger rue. Dans la rue qui porte son nom à Marseille. La marche à suivre, vous parlez de ce restaurant, voilà. Par exemple. Et donc voilà. Il s'agit de. De rue Vian. Ah, de Boris Vian. De Boris Vian. Bah, on va écouter pas. Boris Vian, allez, c'est parti. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante? La vie est-elle tellement vivante? Je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond. Et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Dès que j'ai des loisirs pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Boris Vian, donc, pour continuer ce débaton d'Anguirou sur Radio Galère, débaton d'Anguirou spécial foot piquette, et nous allons parler théâtre maintenant. Avec vous, cher docteur, cher coach Luc, un spectacle intitulé, docteur... Un spectacle intitulé « Savoir enfin qui nous buvons ». Vous avez repéré ce spectacle sur le net, je crois, cette semaine. Avec coach, on en avait déjà un petit peu discuté. Qu'est-ce qui vous a attiré l'œil un peu dans cette... je ne sais pas si on peut appeler ça une pièce de théâtre. C'est un spectacle qui se jouera notamment au théâtre de Cavaillon dans la saison 2015-2016. On va redire les dates tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a un peu marqué? C'est le savoir enfin. Savoir enfin, je pensais que c'était effectivement une manière assez intéressante de présenter une pièce théâtrale visiblement interactive. Il est vrai que derrière, il y a ce qui nous buvons. Et cette espèce de renversement formidable proposé par ce titre m'a tout de suite interloqué. J'en ai référé, bien sûr, à toute l'équipe du dispositif. Et l'équipe du dispositif m'a dit, bien sûr, mon cher docteur, comment ne saviez-vous pas que le célèbre Sébastien Barrier faisait un spectacle et écumait les salles de France avec ce spectacle formidable. Voilà, donc c'est juste l'accroche qui m'a accroché, évidemment. Alors, le mieux placé pour en parler, peut-être, c'est David Chauvet. Qui est David Chauvet? David Chauvet est un membre de l'équipe de la Garance, qui est la scène nationale de Cavaillon, qui accueillera ce spectacle, donc Savoir enfin qui nous buvons, au mois de mars prochain. Nous ne saurions trop que vous conseiller, chers auditeurs, de réserver vos places dès à présent pour ce spectacle. Ça va être une jauge petite, puisque c'est en format cabaret. Où se situe la Garance? À Cavaillon. Cavaillon, qui est encore dans les Bouches-du-Rhône, hein, me semble-t-il. Je crois, mais c'est peut-être une erreur. Je ne crois pas. Bon, on va vérifier ça, du coup, docteur, sur Wikipédia tout à l'heure. En attendant, David Chauvet avait enregistré pour l'émission de radio Satellite City, qui est une radio web diffusée depuis Madrid, mais un peu partout dans le monde. Il avait enregistré une petite chronique pour expliquer ce qui lui avait plu dans ce spectacle, et je vous propose, chers amis, de l'entendre. Sébastien Barrier, effectivement, parle souvent de l'alcool. Il a une relation avec l'alcool qui est assez ancienne. Il en parlait déjà dans son spectacle de Marin Breton, évidemment, et dont il parlait aussi beaucoup d'autres addictions diverses et variées, on pourra en reparler. Et c'est au cours d'une de ses tournées de Ronan Tablatek qu'il a joué dans un salon viticole. Et il a rencontré une dizaine de personnages de vignerons et de vigneronnes lors de ce salon. Et ces vignerons étaient tous réunis autour d'une même conception dans la production de leur vin. En fait, ils ont tous beaucoup picolé lors de cette rencontre. Ils ont beaucoup bu. Et en fait, après une très bonne cuite, Sébastien s'est rendu compte que le matin, il avait pas mal à la tête. C'était le premier effet de ce vin qu'il a bu, qui était le vin naturel. Et effectivement, donc depuis, j'ai bu pas mal de vin naturel et je confirme que on a pas mal à la tête, on finit la gueule de bois avec ces vins naturels. Oui, ce n'est pas seulement une dégustation. Effectivement, on est une centaine de spectateurs dans une ambiance de type cabaret autour des tables, autour d'assiettes de différents produits locaux à déguster. Et Sébastien Barrier va d'abord nous faire une introduction de une heure ou deux à peu près. Là, on a bien compris que le temps n'avait plus aucune importance. Il va nous parler de son rapport à l'alcool, de sa séparation avec sa compagne, des différentes rencontres qu'il a pu faire dans sa vie. Donc c'est vraiment un tchatcheur, on l'a compris, un conteur, un hableur qui va nous tenir de digression à digression, qui va tenir le spectateur tout au long de cette présentation. Et ensuite, il va présenter les différents vignerons qu'il a rencontrés grâce à des photographies qu'il a prises sur place, donc un diaporama. Grâce évidemment donc au vin qu'on va goûter là. Chaque fois donc on va goûter des vins différents, 7 en tout, qui seront un prétexte pour rencontrer, pour nous raconter l'histoire de ces personnes, de ces viticulteurs qui ont produit ce vin. Oui, donc en plus des photos et du vin, en plus de la parole, Sébastien maîtrise aussi la guitare et la musique. Il va jouer pendant le spectacle des intermèdes musicaux. Et un des grands, grands moments de ce spectacle-là, qui vous avez compris, m'a beaucoup, beaucoup touché, c'est un moment où il va lire un extrait d'un texte qui s'appelle Morphine, qui est un extrait d'un texte anonyme d'un médecin français qui vivait en Cochinchine à la fin du 19e siècle. Et Sébastien Barrier va lire ce texte en le mettant en musique. On va en écouter un morceau. D'accord, dans un instant. Merci David, à bientôt. Merci aussi Sébastien pour la mise en onde. C'était Satellite City, présenté depuis Madrid par un autre Sébastien. Et on se retrouve le mois prochain avec des nouvelles escales aux quatre coins du monde. À bientôt. À bientôt. À bientôt, salut. Ciao. Salut tout le monde. Au revoir. Actuellement, Sébastien Barrier jouait de la guitare, mais on va pas l'écouter jusqu'au bout, même si c'est très agréable, parce que Docteur, vous avez trouvé un petit extrait sur le net, un petit extrait de ce spectacle qui sera en outre joué. Alors, je vais tout vous dire. Il va être joué à Cavaillon les 4 et 5 mars 2016. Mais il va aussi être joué à La Passerelle, qui est la scène nationale de Gap. Du 21 au 23 janvier 2016. Voilà. Exactement. C'est les Hautes-Alpes, hein, Manuel. Cavaillon ? Non, Gap. Ben, on va vérifier hein, pour Cavaillon pendant qu'on écoute ce petit extrait. Alors, je vous propose une petite manipulation technique, toute simple comme ça. On va baisser le son initial tout en continuant de parler et rappeler aux auditeurs qu'ils sont actuellement en train d'écouter Débattons d'Anguirou, spécial foot piquette tome 2. Sur Radio Galère, hein, 88.4. Voilà, on peut nous appeler au 04 91 08 28 10 ou au 08 28 15 selon les préférences de chacun. Et on écoute donc un extrait de Savoir enfin qui nous buvons, spectacle de Sébastien Barrier. On boit. reddition, Japon, imbibition, restitution, verbalisation, addiction, addiction, addiction, addiction, Japon. Écoutez n'importe quoi, tout ce que vous voulez, mais faites court, abrégé. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit oui, on a vu, viens de jouer, on a vu ton machin et tout. J'ai dit oui, tout ce que vous voulez, mais raccrochez, par pitié, raccrochez. Le plaisir qu'il doit y prendre, il a une grosse tape en bois. Et sur toutes les bouteilles comme ça, il met des grandes claques comme ça sur le cul de la bouteille. Ils sont tous les deux avec Mose, avec des casques anti-bruit. C'est une drôle de scène, j'assiste à ça. Donc les métaphores poétiques filent, vous imaginez, mais c'est évidemment pour compenser la pénibilité du travail. L'acide aminé est transformé en alcool supérieur. C'est ainsi qu'à partir de l'acide aminé appelé la phénylamine, la levure produit de l'alcool phényléthylique à parfum de rose fanée. Il appelle Monsieur Ito au Japon, avec qui il dit beaucoup. Il dit, Monsieur Ito, comment que ça s'appelle? On peut plus vendre mon vin. Monsieur Ito dit, pourquoi? Parce que, comment que ça s'appelle? J'ai plus l'appellation. Et ils vont plus m'en acheter, il n'y a plus marqué Muscadet. Et Monsieur Ito lui dit, mais Marc, c'est pas parce qu'il y a marqué Muscadet qu'on aime vos vins, c'est parce qu'il y a marqué Marc Pénaud sur la bouteille. Mmh. La personnification, personnification, personnification. Regardez, Marc qui crache. SO2, uniquement avant la mise en bouteille, plus ou moins 20 mg. Il fait des cuvées sans soufre, mais on n'a pas le droit, c'est pour un japonais. Récolte, manuel avec tri, ni acidification, ni collage, ni levurage. Ce vin est sec, mais pas acide. Voilà, c'était un petit extrait du spectacle Savoir enfin qui nous buvons. Est-ce que ça vous a donné envie d'aller le voir, mon cher coach? On peut entendre hein, dans cet extrait une certaine ivresse du langage. Quand même. Oui, c'est sûr, et l'évocation aussi du fameux vigneron Marc Pénaud. Marc Pénaud, pas rien. Ah, vous n'avez pas entendu, mon cher coach? J'ai Louis Finet, j'ai bien entendu que l'ami Sébastien Marié évoquait ce vigneron Marc Pénaud. Ça me rappelle que bientôt nous allons retrouver nos amis du vignoble nantais, dont notamment les acolytes du fameux Kirikou, à savoir le coach magique, qui est quasiment un mélange, un hybride de nos deux plus augustes collaborateurs. Et tant que nous y sommes, moi j'ai envie de vous demander, coach, l'hybridation dans l'alcool, quid? Bien, en fait, là, dans ce qu'on a pu entendre de l'émission de radio, on parlait de vin naturel. Alors moi, je ne sais pas, dans le vin naturel, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas à voir avec la piquette, mais qui, à mon avis, a à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de l'animisme. C'est-à-dire on en revient finalement à faire un vin, une sorte de vin animiste et un vin beaucoup moins chimique. Voilà, on abandonne finalement la chimie scientifique, hein, la magie du laboratoire, pour finalement retrouver la magie du terrain. Et en cela, je pense qu'on retombe sur quelque chose de profondément animiste. Et donc d'une certaine, finalement, forme d'amour hein, entre le terroir et son usager, a priori le viticulteur. Si vous voulez en savoir plus sur le vin naturel aussi, vous pouvez écouter l'ensemble de la chronique de David Chauvet sur le site de Satellite City. Satellite City Radio, voilà, ça se trouve assez facilement. Il y a énormément de reportages et de chroniques selon les émissions, il y a notamment celle de David qui est assez complète sur le sujet. Alors, on va retrouver nos amis. Hop, hop, hop, on vous entend, chers amis. Cyril Kirikou et son staff technique. Vous avez donc fini votre vin relayeur. Maintenant, passons au vin de garde. Celui qui garde la maison, celui qui ne laisse rien passer. Qu'est-ce que vous avez choisi? Alors, bah, en fait... Pour le vin de garde, on a choisi une grande appellation. Donc, on a fait pas mal de kilomètres depuis qu'on vous a eu au téléphone tout à l'heure. En fait, on est beaucoup remonté et on vient d'arriver dans le vignoble de Bordeaux. Très bien. Voilà. Et donc, je pense que pour vous présenter le vin, je vais laisser Coach Karim vous faire une présentation sommaire du domaine. Voilà. Grand chef Coach Karim va vous faire la présentation. On l'écoute. Oui. Il faut qu'il tourne la bouteille. Hein. Ah, attendez, je tourne la bouteille. Donc il s'agit... Donc, du coup, je vais vous lire l'étiquette de... Vas-y. Ouais, c'est bon, il t'entend bien. Ouais, vas-y. Par la voie royale du Médoc, aux abords de la commune de Saint-Estèphe, les tours paraissent émerger d'un océan de vignes, tels des voiles grossies par les doux alizés de l'estuaire de la Gironde. Son terroir précieux et la passion d'un couple amoureux des grands vins font de ce cru, connu depuis le XVIIIe siècle, une étoile de Saint-Estèphe. 50% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon et 10% Cabernet Franc. Belle présentation de bouteille. Oui, on dirait un scénario de Luc Besson même. Bon, hein. Il y en a. Il y en a aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne en bouche, ce petit Bordeaux-là? Ce grand Bordeaux. Ce grand Bordeaux. En devenir. Un peu jeune, mais... Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que c'est un millésime 2011. Voilà. Et que c'est, pour le coup, réellement un vin de garde. Donc, un vin... tout à l'heure, on était hors-jeu. Bon, là, on est vraiment, vraiment sur la... les positions vraiment arrière. Comme les, on va dire, les gardiens qui sont gardiens. À vieillir, qui sont toujours meilleurs. Les meilleurs gardiens sont les... C'est vrai, c'est... Donc, là, la bouteille, quoi. Les gardiens qui ont de la bouteille, on va dire. Donc là, c'est un vin qui a 4 ans, et on va dire un vin qui sera bon à boire au minimum une dizaine d'années. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, du coup? Alors, donc, à l'attaque, en fait, au nez, on a encore beaucoup de jeunesse. C'est un vin qui est sur le fruit, sur les notes de cassis, notamment, les notes de fruits rouges. On a rapidement, en fait, les notes boisées qui nous arrivent, les notes vanillées, hein, ça, ce qui témoigne de l'élevage en fût, en fût de chêne. Et en bouche, on a une attaque souple et on ressent très très vite ce côté tannique, très marqué, qui montre la jeunesse de vin et effectivement le fait qu'il est aujourd'hui en devenir. C'est un très bon vin qui n'est pas du tout prêt à boire aujourd'hui, mais qui sera vraiment à son apogée de dégustation dans une dizaine d'années. Et qui sera pourtant bu aujourd'hui. Oui, puisqu'il nous reste un fond de verre, on va dire, oui, aux trois quarts. Est-ce que vous pourriez faire un parallèle avec un joueur actuel? Alors pourquoi pas un joueur du sud-ouest, hein, puisque vous avez l'air de vous être penché sur cette région actuellement. Avec un joueur actuel. Un joueur actuel de football qui joue actuellement? Qui joue actuellement, ou pourquoi pas, hein. Vous parlez d'un joueur en devenir, en fait, d'un vin en devenir. Donc, ce qu'on aurait aimé savoir, c'est est-ce qu'il y a dans la pépinière du sud-ouest, pourquoi pas, hein, cette région-là, un joueur donc, de garde, un joueur solide, qui pourrait éventuellement, à l'avenir, servir de dernier rempart pour, pourquoi pas, l'équipe de France ou une autre équipe, hein, je ne sais pas. On a déjà parlé de Steven Guéry. Et oui, Steven Guéry a été cité. Oui, ça peut pas marcher deux fois. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Un joueur des Sud-Ouest, Après, c'est vrai qu'on peut... Ulrich Ramé. Ulrich Ramé, ah oui. En vin de garde, oui. Enfin, à la garde, oui. Mais pas forcément en devenir, hein, par contre. Pas forcément en devenir, mais on ne sait pas. Les postes de gardien pour l'équipe de France sont toujours assez ouverts, je crois. C'est vrai. Donc pour l'Euro, moi je ne sais pas. Pourquoi pas un Steve Mandanda, un joueur toujours en devenir au niveau international en tout cas. Ouais, Mandanda, ouais, pourquoi pas. C'est vrai, tiens, je tiendrai. Bah merci les gars, en tout cas. Petite question vite fait. Est-ce que ce vin de garde peut tirer les pénalties? Alors c'est en fait. Ça fait une panenka. Oui, ça met en lucarne. Ça fait ce que ça veut. Ouais. Ça veut, ça. Donc ça peut éventuellement tirer des pénalties, et notamment sous la forme de panique. Ça siffle le pénalty. Comme un bon vin paraguayen. Bah écoutez, merci beaucoup, mon cher Cyril, coach Bastaro et coach Karim. Vous avez été très complet, je crois, ce soir. Vous êtes complet, je crois. Et donc, on vous remercie au nom de tous les auditeurs des Bâtons d'Anguirou. On espère que le taxi vous retrouvera dans le vignoble nantais. Ouais, oui. On vous souhaite bonne route pour le retour dans vos pénates. Merci, bonne soirée. À bientôt. Salut. Salut, bonne soirée à nos enfants et à la copine. Et voilà. C'était nos amis en direct du coup de Bordeaux pour finir leur virée. Espérons qu'ils retrouveront leur chemin de traversée sur la mer de Vigne. Tout à fait. Coach Luc, d'ailleurs, c'est très bien que vous ayez pris la parole, puisque c'est avec vous que nous allons terminer cette émission. Vous nous avez préparé un petit quelque chose, un petit frichti, je crois, pour terminer. Docteur, oui, vous aviez... Non, vous avez juste dit Bordeaux. À vous, Coach Luc. Je laisse passer quelques secondes de silence. Voilà. Oui, donc j'ai préparé un petit texte, donc une chanson, qui est une espèce comme ça de je reviens à cette notion d'hybride, hein, donc un hybride entre une chanson d'ivrogne en anglais et de la poésie contemporaine. Mais poésie contemporaine à façon un peu piquée de Molière, hein, quand même. Et donc c'est une sorte d'hommage à la buvette du CIPM, donc le CIPM, hein, le Club International de Poésie de Marseille, et voilà, et sa buvette. Donc le titre, c'est donc une chanson pour piano ivre. Donc ce n'est pas parce qu'on tise la piquette qu'on n'est pas poétiquement correct, sous influence liquide de la piquette, un piano ivre me tombe sur la tête. Voilà, c'est le titre complet. Donc c'est parti. Alors, comment courir contre le sens du sang ? Ivresse oblige. Bois ton visage, distille ton âme, sabre ta vie, vomis ta mort. Sucre et soufre, pas peur dans les vapeurs. La terre est si chaude et flottante sous ta joue. La boue matricielle est la touffeur utérine. Et le ciel est si doux lorsqu'il me tombe dessus. Stood in the rain, I'll feel fall apart. Intoxicated with my empty heart. I never seemed to learn the rule. Drunk was love in my throat full. You should be drinking, I thought. You would be happier, no doubt. Last night, football saved my life. Last night, football saved my life. Yeah. In that alcohol I trust every day. No matter how it ends anyway. Toutes ces journées à taper dans un ballon, à taper. Toutes ces journées à rêver de taper dans un ballon, à taper. En haut, en bas, en haut, en bas, mais surtout en haut, mais surtout en bas. 11 acteurs toujours en lutte avec leurs personnages qui luttent. C'est le sport de l'enfance de l'art. Il n'y a pas de plus grande victoire. Stop thinking, stop running, let your tongue burning, yeah. In a perfect world, God loves the vomit. If nobody and you belong to spirit, you'll never walk alone, it said. I can bring you the throne, it said. Last night, football saved my life. Last night, football saved my life, yeah. Cause I was sitting there, bored to death. But I repeat, don't forget to breathe. On est comme des fous, un petit coup. On n'y est plus du tout, un petit coup. On est sûr qu'on s'en fout, un petit coup. You got to get up, you got to get down. Why don't you got to get up, yeah. Why do you leave me alone, I ask. Because they don't give a shit at all. Why be so unfair, no one, I ask. Cause Planck move out under the ball. Last night football saved my life. Last night football saved my life. Yeah. I found out all I need to know. All my feelings is a bit psycho. Boire pour boire, c'est ce que je crois, tu vois, piqué du nez, tu crois, jusqu'à en rester là, voilà, ne plus être moi, tu bois, entraîne-toi, traîne-toi, tu oublies, je suis plein, plein de souvenirs, gigue dedans, plein de repentir, j'y partout, plein d'avenir, manger d'or, je suis plein d'être plein, je suis plein d'être plein, trop plein d'être plein. I had to take down, I had to take down, I didn't have to fall down, down, down, down. This wine machine is brain dead. Future was killing me in the head. But that football, all right reserved. Hygienic lines to be preserved. Last night football saved my life. Last night football saved my life. Yeah. The big game is about to begin. Down in my soul, joy is rushing in. Nos vies, nos morts, dans un corps à corps. Nos vies, nos peurs, dans un corps à cœur. Nos vies, nos vécus, dans un corps à cul. Nos vies, nos envies, dans un corps à cri. Nos vies, nos relations, dans un corps à con. Nos vies, nos images, dans un corps à cage. Nos vies, nos amours, dans un corps à court. Nos vies, nos dettes, dans un corps à piquette. Look at you now, look at you now, look at your house of cards, yeah. You'll never remember you've done. A drink wrote your life like did poison. I got blame at your body's nature, but I lost myself in vice, motherfucker. Last night football saved my life. Last night football saved my life. Yeah. Sport buzzes my soul like a toss. Kicking off my fucking karma boss. Nos vies, nos mots, dans un corps à micro. Nos vies, nos histoires, dans un corps à miroir. Nos vies, nos destins, dans un corps à rien. Nos vies, nos achats, dans un corps à crachat. Nos vies, nos amitiés, dans un corps à baiser. Nos vies, nos reniements, dans un corps à flanc. Nos vies, nos picrates, dans un corps à quatre pattes. Nos vies, nos morts, dans un corps à corps. I know those falling sky is killing me. I have crushed all my little eternity. Please, football, my friend, save me. You team, Rose Army, will drive me. Your holy sweat is going to clean me. And bottles will collapse like my enemy. Last night, football saved my life. Last night football saved my life. Yeah. Let's rise up and play alive. I will survive. I will survive. La la la la la la la la la la la la la la. Voilà, je pense que nous avons mis une bonne grosse piquette à la chanson populaire. Je crois aussi, Coach Luc, et que je crois que c'était parfait pour conclure cette émission. Je pense qu'on a tout dit, on a été complet dans ces deux tomes de foot piquette. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mon cher docteur. Bien sûr, je vous vois brandir un quiz. Évidemment, on ne va pas se quitter sans quizer. Mais peut-être qu'avant ça, on va pouvoir remercier tout le monde et faire nos adieux à la communauté. Docteur, un petit mot pour conclure. Non, des grands remerciements à tous nos auditeurs. Un grand bisou à Brett, à Elisa, au petit marin. Et puis merci à Magic qui nous a transmis ce formidable quiz que je vais m'efforcer de lire, non pas à sa manière, mais à ma manière, ce qui sera certainement beaucoup moins performant. Coach Luc, bonsoir et merci, merci à vous. Bonsoir à tous et bonsoir aux petits marins. Et juste après ce quiz, on enchaînera avec un morceau de Postcoitum. Postcoitum que vous pourrez entendre à Marseille pour le lancement de leur nouvel album. Je crois le 21 novembre prochain à La Friche. Docteur, on vous écoute. Alors, c'est un quiz sur le foot piquette. Donc, les piquettes, visiblement, d'après Magic, sont liées aux joueurs piquettes. Alors, les joueurs piquettes, visiblement, se sont aussi illustrés à travers ce qu'on appelle le ballon de plomb, un ancien trophée inventé en 2003 par le site web des Cahiers du Football. Donc, il est bien possible, mon cher Manuel, mon cher coach, que les descriptifs que je vais vous proposer appellent des réponses qui sont des joueurs qui ont été élus ballon de plomb. Donc, je vais commencer tout de suite. On y va. Je suis le joueur piquette de la saison 2005-2006. Je joue dans le club le plus populaire de France. Mon toucher de balle est remarquable et je suis censé tirer les coups francs avec la plus grande précision et suffisamment de puissance. Attention, j'ai été formé à Sochaux. Stéphane Dalmat. Non. Où j'ai effectué le meilleur de ma carrière. Benoît Pedretti. Benoît Pedretti, bien joué, un point pour Manuel. J'ai honoré 22 sélections en équipe de France entre 2002 et 2005. Je n'ai pas réussi à passer le cap lorsque je rejoins les deux clubs olympiques et d'abord par le sudiste. Je suis milieu de terrain et l'année où je suis élu ballon de plomb, je joue 40 matchs pour mon club et je ne marque que 4 buts. Après, je jouerai pour l'autre olympique avant de passer 5 ans au CR, Lille et Ajaccio. Je porte le prénom de l'ancien pape. Je suis Benoît Pedretti, bien sûr. Bravo, Manuel. Deuxième joueur. Je suis de ballon de plomb 2003-2004, arrivé dans l'âge de la capitale à l'âge de 13 ans. Mais ce n'est qu'à la saison 1990-1991 que je m'impose réellement dans l'effectif grâce à Henri Michel. Fiorez ? Non. Si mon engagement physique est exemplaire, ma qualité technique ne tient pas la comparaison. Mes 3 années Arthur Georges sont assez délicates, mais cela ne m'empêche pas de fêter le titre de champion de France 1994. L'arrivée de Luis Fernandez me donne de la confiance, il me fait rentrer chaque fois qu'il s'agit de tenir le score. Après avoir remporté le doublé Coupe de France, Coupe de la Ligue en 95, puis la Coupe des Coupes en 96, je suis prêté à Strasbourg à l'été 96. Comme Boiré ? Non. C'est un attaquant ? C'est une sorte de relayeur dont le nom de famille commence par une double voyelle. L'aventure en Alsace tourne court et je réintègre mon ancienne équipe où j'enchaîne les titularisations. Le plus souvent en tant que latéral gauche. En 99-2000, Bergerot ne compte pas sur moi et ne me fait participer à aucune rencontre. Je trouve une solution en octobre en devenant le joker de l'AS Saint-Etienne. J'enchaîne ensuite avec un transfert à Montpellier en deuxième division où je participe à la remontée du club de Louis Nicolin. Mais avec le retour de Luis Fernandez, je passe ainsi de nouvelles saisons à UTES. Je me prénomme Francis. Francis Liasser. Francis Liasser. Francis Liasser. Ah, est-ce que je le donne à Manuel avec toute cette... On garde le point. En suspens, pour Manuel. En cas d'égalité. Ouais. Voilà, on a un petit plus pour Manuel. Je suis ballon de plomb 2008-2009 avec les Gones. Né à Nouméa, je suis devenu international français grâce à mon unique sélection contre l'Autriche en mars 2007. Je signe mon premier contrat professionnel avec Nîmes à l'été 2000. Lors de l'été suivant et après une excellente saison en Ligue 2 avec les Crocos de Nîmes, je tape dans l'œil du Stade Rennais. J'aurai ensuite une carrière de mercenaire puisque j'enchaîne ensuite avec Saint-Etienne, Monaco, Lyon, Portsmouth, West Ham, Doncaster Rovers, Portland, l'US Créteil et Mumbai City FC en Inde, l'année de mon année de plomb où je devance même Ronald Zubar dans le classement. Je joue 26 matchs mais ne marque 4 buts. Pour un attaquant, ce n'est pas génial, je l'avoue. Je porte un prénom banal comme le rugbyman Michel Hack. Frédéric Piquionne. Exactement, bravo Manuel. pas mal, il fallait le trouver, là je suis scié. 2 plus 0. Je suis ballon de plomb 2009-2010, né le 12 avril 1979. Je suis serbe et j'ai pris ma retraite depuis 2012 après avoir fait toute ma carrière au poste d'attaquant. Mateja Kiesman. Exactement. Bravo. Oh là là là là, bravo coach, bravo. C'est un 4 points celui-là. Oh là là là là là là. On en reste à 1, mais tout de même, c'est pas mal. On a quasiment envie de lui mettre un plus. Alors, s'ensuit un dernier joueur, je pense qu'on va faire le... Vu que je ne le connais pas personnellement, hein, mais peut-être que vous le connaissez. Magic a été farfelu une nouvelle fois. Je me lance et je pense que celui qui trouvera ce joueur sera le vainqueur finalement de ce quiz. Je suis ballon de plomb 2010-2011, né à Valenciennes. J'ai passé le plus clair de ma carrière en tant que latéral droit. En 1995, je suis repéré par l'AS Beauvais, pensionnaire national. J'ai tout juste 17 ans. Après une année au centre de formation, j'intègre rapidement l'effectif professionnel. Après 114 matchs sous les couleurs picardes, je rejoins l'île de beauté et signe chez le promu en Ligue 1, Ajaccio, dirigé à l'époque par l'ancien lensois Roland Courbis. Tout le long de ces 3 années de présence sur l'île, je m'installe petit à petit comme un indéboulonnable en défense. Jouant le maintien chaque année, j'arrive à sortir mon épingle du jeu et me fais repérer par mon club de cœur, le RC Lens, où j'effectuerai désormais l'essentiel de ma carrière. Teint en blond, oh oui. J'ai une tête à claque, mais je ne suis pas si con que ça puisque je tente une reconversion professionnelle, ce qui n'est pas si fréquent chez footballeurs. Je suis aujourd'hui éducateur et désormais en charge des U16 sans et or. Un truc sympa dans ma carrière, c'est que je débute en juin 2010 une procédure de naturalisation afin de devenir tunisien et ainsi pouvoir être sélectionné en équipe nationale de Tunisie. En effet, ma femme est tunisienne, mais ça ne marchera quand même pas. Je suis. Je me prénomme Johan. Ouais, c'est Johan. Je le connais, je le vois. C'est un satanas quasiment de nom de famille. Je crois qu'il n'y aura pas de vainqueur du quiz jamais il n'y a pas. Si vous ne trouvez pas. Johan, je vois tout à fait sa tête. Il s'agit de. Je vais le prononcer, hein, je suis obligé, étant donné l'heure 30 qui clôt cette émission. Eh bien, je suis. Merci Magic une nouvelle fois Johan pour Johan Demont. Johan Demont, oh là là là là là là, bravo Manuel vainqueur. Coach, vous avez été exemplaire avec ce terrible Mateja Kechman que vous avez réussi à trouver, je ne sais d'où. Je ne peux que reconnaître ma défaite et la science consommée de mon adversaire dans sa capacité à finalement apprécier les joueurs piquettes. Bonsoir à tous, chers amis. On se quitte donc comme convenu avec Post-Coitum et on vous promet de nous retrouver bientôt sur les réseaux sociaux, le Facebook des Bâtons d'Anguirou qui vous permet de réécouter toutes nos émissions. À bientôt. Au revoir.